Lettre après lettre, pack après pack, litre après litre. J'pose des pierres l'une après l'autre, pack après pack, litre après litre. Déroule, j'suis sur la croûte terrestre. Allez, viens parmi les chiens, viens. Un chien gravit les siens, jette dans la cour terrestre. Des énarques à l'Elysée, paraît que ces gens la décident. Mais ce chiron tue dans l'usine, Kaya, c'est dans la Tessie. Pour ton pécule, dans quelles conditions es-tu sage? Sachant que l'État nous fait le cul dans les positions les plus sages. Déroule, y'a ce te laisser parler, rentrer indécent. Ça jacte de charité, ça sape après le 31 décembre. De l'horreur à l'idylle, vacances c'était à la grande mode. C'est le même qui pleurait à Haïti. Quand c'était à la grande mode, déroule. François, pas de brancard, tant que marcheront les fusibles. Mais quand ils rendront les pans, car ils chargeront les fusils. Et ce sera Bucarest, là où les proies partent, où le clé par le monde plus de caresses. Douleur et trois pas. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Un autre jour, au pied du mur, racontez-les-moi. Racontez les heures, les mots, les morts, racontez-les-moi. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Vivre, on a des rêves, on aime, mais trop de fois. C'est le pouce et le bas dans l'arène, BM et tôle froissé. Mon premier vice, ma première taf, mon premier mot, ton premier fixe, ta première tasse. Mes premières bombes, mes premiers pas juste au centre. Mes premières nuits sous un pont, mon premier combat jusqu'au sang. Mes premiers mois dans l'impasse, où voler me parle assez vite. Balayage sur la place, ma première volée par la civile. J'dérouille, livide, puis j'l'ai vu faire le poste parrain dans la baraque. Lui faire un gosse et faire une bosse de tarin dans la para. Tu peux les enfermer, c'est flag. Mais si pour toi les femmes c'est le diable, c'est que tu n'as rien vu que l'enfer et ses flammes. J'dérouille le pays qui t'a volé ta couleur. Liberté, égalité, fraternité, qui l'a avalé ta couleur. J'me fous que tu fasses de la en crade, ou que des hommes puissent se marier, lequel des deux marchands en crabe. J'déroule, lui je sais qu'il sort de la boue, mais ne s'en vante plus. C'est qu'au poste, la vérité sort de la bouche des enfants de pute. C'est la vie, y'a les faibles et les forts, combien sont des bons. Y'a les frères et les faux, les miens sont des bons. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Yves, un autre jour au pied du mur, racontez-les-moi. Racontez les heures, les mots, les morts, racontez-les-moi. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Vivre, on a des rêves, on aime, mais trop de fois. C'est le pouce et le bas dans l'arène, BM et tôle froissé. C'est de la tristesse dans mes yeux lisis. Ici la peine et je crois bien que demain ça fera 107 ans. Mesdames, messieurs, ma colère est celle de Nizi. J'attends plus la veine, cette main molle qu'elle est 107 ans. J'ai mis des lettres, mettre des mots en sanglots. Je l'ai vu mourir et naître, naître qu'un moment sanglot. Le ciel tombe à nous épuiser, tout le monde porte, tout le monde porte. Mais après la pluie, vient la pluie, c'est tout mon pote. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Ivre, un autre jour au pied du mur, racontez-les-moi. Racontez les heures, les mots, les morts, racontez-les-moi. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Ivre, un autre jour au pied du mur, racontez-les-moi. Racontez les heures, les mots, les morts, racontez-les-moi. Vivre, rien à cirer, c'est de la chance. Mais chez nous, chat noir et sirène, c'est de la chance. Vivre, on a des rêves, on aime, mais trop de fois. C'est le pouce et le bas dans l'arène, BM et tôle froissé.